Vous êtes de retour à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro. Toujours un plaisir d'être là. Et bien entendu, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un deux heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chétican, OUFM 98 Halifax, CFABB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, la région de Barrie en Ontario. En vol 91, Saint-Boniface, Manitoba, CFRG, Gravelbourg, Saskatchewan, CILS, Victoria, Colombie-Britannique et CIVR, Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contact d'artistes francophones. Vous m'envoyez ça à canrockcdn@commercial.gmail.com. Voilà. Allons-y avec la deuxième heure, deuxième partie du Bloc de l'Est Québec-Ontario, en vous invitant tout simplement à aller sur ma page Facebook pour regarder l'excellent clip, le super beau vidéoclip de la chanson « La ville s'endort » de Mélissa Ouimet, tirée de son album « Amour jetable ». Très très beau clip avec de la danse, ils sont sur un pont là, ça danse et puis c'est la nuit, en tout cas c'est vraiment bien fait, c'est de toute beauté, allez voir ça. On va entendre la pièce bien sûr dans quelques instants de Mélissa Ouimet, La ville s'endort. Par la suite, Je serai là de Céleste Lévy, j'attends son album, il devrait m'arriver là, ces jours-ci. Et un album que j'attends avec impatience également, c'est celui de René Ray, le 2 novembre. On va l'entendre avec tout simplement Online, une chanson de cet album-là. Mille et un commentaires, ça fera du bruit. Y'a de quoi être fier si quelqu'un t'envie. Faut jouer le jeu de la poudre aux yeux. Ça va plaire, monsieur, monsieur. Tu ne t'es jamais douté que la terre est ronde. Mais tu sais les faire tourner autour de ton monde. Faut jouer le jeu de la poudre aux yeux. Ça va plaire, monsieur, monsieur. Jouer le jeu de la poudre aux yeux. Tu vas plaire, monsieur, monsieur. Oh,

Je suis sûre ça fait longtemps de pas apprécier ce qui est tatoué. Ça fait pas mal aux yeux. Au pire, tu vas te rendre compte que ça fait du bien dans le cœur. La vraie chaleur, la vraie douceur. Tiens pas à grand chose. Lieu de dire aux filles online qu'ils sont belles. Mais aime donc la tienne. C'est quoi tu cherches là anyway? Sauf des compliments fake. L'on attend donnerait des frais. Le cœur d'un bord pis de l'autre. Tiens pas à grand chose. Lieu de dire aux filles online qu'ils sont belles. Quoi tu cherches là anyway? Sauf des compliments fake. L'on attend donnerait des vrais. Si tu l'aimais. J'ai donc hâte de pouvoir écouter cet album-là de René Ray qui s'en vient le 2 novembre. Si c'est comme ces deux pièces-là qu'on joue régulièrement, là, online et Le Monde est con. Espèce de folk chaleureux, entraînant, avec une belle voix. Donc, écoutez, j'ai hâte, ça sort le 2 novembre, et j'ai bien hâte d'avoir une copie dans les mains et de vous le faire entendre. À suivre, bien sûr. On est rendu au bloc instrumental. D'habitude, j'ai une pièce, deux pièces, mais là, j'en ai quatre. Il y a, premièrement, Christine Tassan et les Imposteurs. Vous allez voir sur ma page Facebook, il y a quelques posts qu'ils ont mis. C'est des éléments de musique et divers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient? Il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Et en début novembre, je pense, et durement que j'aurai tous les détails, je vous le dirai avec grand plaisir parce que je suis un fan inconditionnel de Christine Tassan et les Imposteurs. Vous ne connaissez pas ces quatre femmes. Deux guitares, une contrebasse, un violon, quatre machines. Ils font de la musique manouche, des virtuoses de leurs instruments. C'est vraiment bien fait. Et ça fait plusieurs années que je les encourage ardemment parce que c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. On va entendre l'album « À l'heure de l'apéro ». La pièce « L'île aux lilas », très belle chanson, très belle pièce instrumentale, vous allez voir. Par la suite, « Résilience », titre du deuxième album de Sean Ferguson, qui est en Ontario ces temps-ci pour la tournée. Donc, je sais qu'il sera ici à Penetanguishene le 10 novembre, donc j'ai bien hâte de voir ça. C'est un gars super sympathique, virtuose lui aussi de la guitare, dans un style un peu différent, un peu plus musique contemporaine, mais vraiment bien fait. On va l'entendre. Et j'ai décidé de terminer notre bloc instrumental avec tout simplement deux chansons de Chris and Crazy Brass, Christian Mallette de Gatineau, qui demeure maintenant à Montréal, qui joue avec plusieurs bluesmen et plusieurs artistes. Sur son album que j'ai, Chris and the Crazy Brass, oui, il y a deux pièces qui s'appellent Spanish Intro, Spanish Music. Donc, je vous laisse ces deux pièces-là rouler. Vous allez voir, c'est assez intéressant, merci. Mais pour l'instant, voici L'île aux lilas, Christine Tassan et les Imposteurs. We'll be right back.